4. Anatolie, durant ses jours, n'était pas sortie de chez elle. La petite Rose allait de plus en plus mal. La méningite déclarée, il avait fallu aviser à de nouveaux arrangements. Pauline prit chez elle tous les autres enfants. On transporta les lits, le matériel de la pouponnière. Anatolie passait presque toutes les heures de ses journées auprès de l'enfant, qu'on espérait plus guère de sauver. Elle suivait avec un amer chagrin les péripéties capricieuses de la maladie. Elle assistait au phénomène de la plus atroce douleur, et dans la petite Rose voyait tout le malheur humain. Certes, elle n'oubliait ni Paulin ni son amour. Seulement, le martyr que la petite Rose endurait ne lui permettait pas d'être tout au regret de ne plus aimer Paulin. Il se faisait en elle un classement nouveau des divers éléments de sa pensée. Premièrement, lorsqu'elle eut à soigner la petite Rose, elle écarta les autres soucis pour se consacrer à une tâche si urgente. Puis, dans le loisir même que lui laissait la situation désespérée de la petite Rose, elle continua de sentir que son âme à elle se modifiait sans qu'elle y fût pour rien. C'était naguère l'idée de la vie, idée ardente, qui lui rangeait les éléments de sa pensée. Et maintenant, l'idée de la mort prenait le gouvernement de son âme. Anatolie, du reste, ne s'en apercevait pas si nettement. Le passage d'un pouvoir à l'autre ne s'accomplissait pas sans trouble. Ainsi, dans l'attente d'une certitude établie, elle n'écrivait pas à Paulin. Non, à la vérité, elle ne le pouvait pas. Mais elle s'informait de Paulin, de la grève. Laurent la tenait au courant de tous ces épisodes misérables ou odieux. Elle ignorait évidemment que son amour, le souvenir de son amour, eût empêché Paulin d'être éloquent à la réunion décisive. Elle ignorait aussi que, par instant, cet amour s'avilit dans la haine qu'avait Paulin contre les d'Auberville. Laurent ne lui cachait rien, mais il ne savait que le détail des événements. C'est peu de choses pour éclairer les cœurs. Elle avait appris les triomphantes stratagèmes de Pierre, qui la menaient à plaindre Paulin. Et elle avait appris l'émeute de Paulin, qui évoquait en elle la mémoire du Pré-Saint-Gervais, et la menait à réprouver Paulin. Bref, son jugement de Paulin s'embrouillait encore. Le dimanche matin, la petite Rose mourut. L'apaisement de la petite enfant qui avait trop souffert gagna l'esprit d'Anatolie. La petite Rose n'était pas un être qu'elle eût aimé en particulier, de telle sorte qu'elle éprouva de cette mort un déchirement. Ce fut moins et plus. Ce ne fut pas une mort, mais la mort. Il y avait aussi, à regarder le puéril cadavre, la peine que vous fait une gentillesse finie, un visage anéanti, ce visage différent de tous les autres. Il y avait la petite Rose, et précisément cette petite Rose qui était morte. Surtout il y avait à regarder la mort, qui est sereine comme une mort est triste. Quand on eut enseveli la petite enfant, Anatolie était plus calme que jamais. Tout ce dimanche, après la messe, et jusqu'au soir, elle en subit la durée avec une patience infinie. Elle ne dirigeait pas sa rêverie, et la laissait plutôt se faire en elle, lentement. Comme dans la convalescence, on n'ose pas bouger, parce qu'on sent que les organes de son corps se réparent, elle avait soin de ne pas bouger son esprit, où il lui semblait que s'accomplit toute seule la guérison, mais sans allégresse, dans la sérénité de la mort. Le vacarme qu'il y eut à plusieurs reprises dans les rues parvenait à elle de très loin, de toute la distance qui séparait la chambre où elle était et la rue, et de toute la distance qui séparait une aventure électorale et sa pensée. Une ou deux fois, elle s'approcha de la fenêtre et vit passer des manifestants. Elle ne souleva pas les rideaux pour les voir mieux. Mais le soir, Laurent lui annonça que Pierre était élu, avec une majorité considérable. Paulin battu, et battu ridiculement. Il arrivait le dernier de la liste, après l'affreux Brapegeot. « Ah, dit-elle simplement. » Laurent la regardait avec surprise. Il put croire qu'elle n'ajouterait pas un mot, et qu'elle avait résolu de ne plus rien dire à lui, Laurent, ni peut-être à elle-même. Il en conclut très vite l'espérance paradoxale, et il se taisait afin de ne pas la déranger d'un tel silence. Mais elle reprit. « Laurent, j'ai peur qu'après un échec si humiliant pour lui, Paulin ne s'en aille dès ce soir. Son échec, il a dû le prévoir depuis hier, et ainsi préparer son départ. Il faut que je le voie, et je voudrais que ce fût demain matin. Je te demande d'aller le lui dire. » Trouve-le soit à son hôtel, soit à son comité, soit dans les rues ou à la gare. Mais à la gare, dis-lui qu'il faut absolument que je le voie. S'il ne le peut demain matin, ce soir. Bien, fit Laurent. mais son visage s'était contracté. Anatolie le vit. « Pauvre Laurent, tu en es là ? J'irai moi-même. Il est vrai que je te demande trop. Pardonne-moi. » Certes, Laurent ne permettrait pas qu'elle se mît à la recherche de Paulin de rue en rue. Mais enfin, pourquoi cette entrevue dernière est inutile ? Ne valait-il pas mieux, puisqu'elle n'avait pas écrit à Paulin, laisser le temps clore tous ses souvenirs ? « Non, non, répondit-elle, ce n'est pas cela du tout. Paulin devait m'épouser s'il était élu. Mais alors, moi, s'il triomphait, je lui disais que je l'abandonnais à son triomphe. Il n'avait plus besoin de moi. Il est battu. Et ce n'est plus la même chose. » Au moment de tout dire, elle hésitait. Non dans son projet, dans les mots seulement. Et Laurent frissonnait. « Alors, il a besoin de moi, et je l'épouserai. » Ah, Laurent s'apprêtait à combattre un si fol dessein. Mais elle ne le souffrit pas. Elle dit, « Ne perdons pas une minute. Veux-tu m'épargner cette sortie ? Ou bien, je te l'ai dit tout à l'heure, j'y vais. » Laurent partait. Elle ajouta, « Laurent, plus tard, tu me pardonneras. » Demeurée seule, Anatolie songeait aux paroles qu'elle avait dites. Elle s'aperçut qu'elle les avait dites sans les méditer aucunement et comme à l'étourdie. À les examiner, elle éprouvait une sorte de surprise. C'était un peu comme si quelqu'un lui eût rapporté des propos qu'elle aurait tenus dans le sommeil, ou bien comme si elle se fût souvenue d'un rêve. En même temps, elle sentait la réalité de ce rêve et ses paroles s'imposaient à elle. Incontestable vérité et engagements irrévocables. Pourquoi Laurent lui pardonnerait-il plus tard ? C'est apparemment qu'il la verrait souffrir assez pour que sa jalousie cédât à quelque pitié. Mais ni la souffrance qu'elle se promettait, ni la jalousie de Laurent ne la toucherait beaucoup. Et Laurent lui pardonnerait. Pourquoi ? Il lui pardonnerait. Et elle épouserait Paulin. Mais avant de dire à Laurent qu'elle épouserait Paulin, l'avait-elle décidé en elle-même ? Non. Pourtant, depuis la veille, elle ne doutait pas que Paulin ne dût être battu aux élections. De sorte que, depuis la veille, elle pouvait agir en conséquence. Elle n'avait rien décidé depuis la veille, ni seulement peu de minutes avant d'informer à la fois Laurent et elle de sa résolution. Anatolie analysait ainsi la spontanéité de son cœur. Spontanéité singulière. Et telle qu'ayant parlé, oui, comme à l'étourdie. Elle possédait une certitude, un absolu de certitude, et qui ne donnait pas ses raisons, mais qui imposait sa clarté. Quand Laurent fut de retour, elle le vit bouleversé. « Il viendra demain matin sur les 9 heures, et il part à 10h30 pour Paris. Qu'a-t-il dit ? Qu'il viendrait. Serait-il venu ? Je ne sais pas. Est-il très malheureux ? Ah, je ne sais pas du tout. » Anatolie ne put s'empêcher de sourire en voyant que la jalousie de Laurent tatillonnait et, à refuser nul détail, prenait une petite revanche. Du point où elle s'était retirée dans la certitude, ce tracal l'étonnait. Laurent, des larmes dans les yeux, la supplia. « Réfléchis, c'est une folie que tu vas faire. Tu m'as dit que tu ne l'aimais plus, mais tu m'as dit que je l'aimais encore. » Et ce n'était pas qu'elle voulut le taquiner. Mais quand on possède une fois la certitude, un argument en vaut un autre, et faux ou inutile ne vaut rien. Laurent reprit. « Non, tu ne l'aimes plus. C'est par pitié que tu l'épouses. Tu me l'as dit. Et si tu m'as dit aussi que la pitié n'allait pas avec l'amour. Laisse donc ce que je t'ai dit, Laurent. Qu'importe. Il n'est chose que je t'ai dite, et que je ne puisse te remplacer par une autre. Ainsi la pitié ne va point avec l'amour. Je crois qu'elle le fortifie un moment. Et puis, certainement, elle le tue. Et puis, elle le remplace. Mais pour le remplacer dignement, il faut qu'elle se donne du mal. Et alors, elle est un sentiment aussi fort que l'amour. Elle se tut. Et Laurent, de son côté, renonçait à rien dire. Il lui semblait qu'Anatolie, affectant de répondre avec douceur et complaisance, ne lui répondit pas du tout, et à son chagrin d'amoureux, qui pâtit durement, n'accorda qu'une espèce d'ironie avisée et triste. Elle eut la même impression, car il pleurait. « Je te fais de la peine, Laurent. C'est que, vois-tu, comment pourrais-je ne pas t'en faire ? Mais enfin, tu veux que nous causions. Eh bien, la franche vérité, la voici. Je ne supporte pas l'idée que Paulin qui m'aime ait cru qu'il m'épouserait s'il avait la chance d'être élu. Tu vois comme c'est dérisoire et odieux à dire. Il est battu, et je l'abandonnerai. Mais il y a 5 jours qu'il sait que tu ne l'aimes plus. » Le sait-il ? En tout cas, il est malheureux, humilié. Je ne veux pas qu'il soit malheureux et humilié par moi. Songe à lui, à ce pauvre enfant qui, en peu d'années, a fait avec tant d'efforts tant de chemins, et qui a tant d'orgueil. Ce n'est pas une vertu, seulement c'est de la souffrance, et qui est aujourd'hui si cruellement blessé dans son orgueil. Je crois que son orgueil et son amour se mêlaient plus qu'il ne l'aurait fallu. Donc il souffrirait doublement. Je lui épargnerais la part de souffrance qui dépend de moi. Mais Laurent, cela me paraît si simple, si évident que je n'arrive pas à te prouver par des mots ce que je sens avec ardeur. Et c'est pour ça que je t'ai l'air étrange. Je voudrais te convaincre. Ne te figure pas que je me sacrifie. Non, ce n'est pas un sacrifice. Après un court silence où Laurent se désespérait, elle reprit. Au fait, nous sommes là tous les deux à chercher. Nous cherchons trop loin. Tu me dis que ce mariage est une folie. Je te réponds que ce n'est pas un sacrifice. Et n'est-ce pas tout simplement le devoir ? Elle avait trouvé le nom de sa certitude, et Laurent, désormais, ne la détournerait pas de sa volonté. La certitude lui suffisait pour elle, et contre Laurent, le nom de sa certitude. Il argumenta encore et fut pressant, mais ce qu'il disait tombait entre lui et elle comme des flèches qu'un prestige de magie exténuerait. Ce qu'il disait, d'ailleurs, n'était que vaine polémique, ingéniosité qu'il inventait au cours des besoins. Ce qu'il eût crié, ce qu'il ne pouvait pas crier, et ce qu'il remplaçait par des disputes médiocres, c'était sa révolte d'amour, à l'idée que cet homme, et puis toute Anatolie, serait donné à un autre que lui. Quoi, ne le savait-il pas, naguère? Et quand Anatolie lui avait dit, dès le jour de son arrivée à Castillac, qu'elle était fiancée à Paulin? Certes, il avait subi son tourment. Tout de même, il était resté auprès d'elle, content des suprêmes vacances qu'il accordait à son malheur, et il avait apaisé auprès d'elle son chagrin. Le chagrin nouveau ne s'apaiserait pas. Il lui mettait dans l'esprit du scandale. Ce n'est pas la même chose de s'attrister sur un mort qu'on aimait et de songer, comme dit Joubert, aux secrets les plus révoltants de la sépulture. Et pour Laurent, ce n'était pas la même chose, la douleur ancienne et les nouvelles imaginations. Ces imaginations, il les avait déjà ressenties, et le jour, par exemple, de l'arrivée d'Anatolie. Mais non point avec cette abominable intensité. Puis il avait pu les chasser, il ne les chasserait plus. C'est que depuis lors, il avait vu Paulin. C'est qu'il venait de le voir. Et c'est aussi que dans l'intimité quotidienne, il aimait davantage Anatolie, lui fut-elle parfois cruelle. Et c'est enfin qu'il s'était pris à espérer, tout en le niant à elle et à lui-même, que ce Paulin pour elle s'anéantit.